xamne sa borom subhanahu wa ta'ala dako organiser de telle sorte que yoyep daf ci am solo motax boy rendi la bu de nga tuddu ci turu yalla te lolou mom moy tax ba sheytane yi duñ am accès ci duñu joggé ci dérèt parce que baat bi gis nga xam nga bokoy rendi am dérèt ak yoyep yo tax accès bobu manam ci batine parce que yoy yi ñuy wax nak affaireu batine la manam du affaire bo xamne dañ koy gis diko observer té ma ngi gis té temps yé ben étude bo xamanténé suma djumul ay égyptiens ñoko def wala ay marocains en tout cas non wala allemand allemand lén en tout cas en arabe la gis dal manam ki bi mais manam ñiko def ñi def étude bi ay allemand lén ñu xol gis né ñaari dañu gis né dér bi nga xamanténé mom lañu tuddé halal man dañ ko rendi jaarala ko ci yoon sharia boko jele nga tek ko ak benen bi nuro wuñ d'ailleurs lolou kenn ku nek ci ñun mën na ko remarquer mën na gis ne ñaari duñu nuro dina amna différence même bokoy lek di nga yek ne bi bo tamé lek wax biñu wax halal di nga ko xamé par rapport ak bi ci dess luma ci djublu won nak legui bima len di wax nañu teunk ñetti moy ordre bi sans borom subhanahu wa ta'ala di tuddé tout temps ci ñent ay rek la ci alcorane loko tuddu ordre bobu nga xam tane mom la sans borom subhanahu wa ta'ala di tuddé mbiri moy lan lay ñëk tuddu medd tekki yap mbal xoo ordre bobu dafa important manam moy leg leg nga gis nit ko xamne dana la mom de dina lek lo halalul me yap mbam dal du lek te bo xole ordre niñ ko téré ha wala lañ dëkk ha so xole ordre mi ni wuy ñëwé ci alquran hmm medd dara yap mbam ko yalla ñu yalla sam amin léegi kon yoyu c'était pour ñu mam lan moy medd kon mën nañ ko tek moy lepp lo xamné rendi wuñ ko ci rendi ci yoonu sharia loolu mom medd la tudd ci nga xamé ni tam buñu jëlé comme ni ki di def ñew ni ñu défé xalé yi buñu jëlé ben picc wala putax ñew rek kuttu ko bobu bo baaxul medd la amagnou parce que rend ci sharia dafa am ay condition bu ñëk bi moy ki koy rend kan la wara doon dañ koy gattal ki koy rend kan la wara doon dafa wara nek luñu wax al dafa wara am luñu wax al ahliya manam ahliya non ko ci tubab moy nit ki daf ko wara man yelloko manam prerogative yi daf ko wara am amna baat bu moy wër ci français compétence hein non du compétence hein dede hein agréé dafa wara am wala agrégation wala agrément dafa wara am agrément manam dafa wara nek ko xamné dafa agréé ki agréé pour rendre moy djulit wala mu bok ci ahlul kitab juif wala chrétien kokku la kon até bi su ko défé baxul chrétien comme ni bokalé est ce que ni yapp ni la wa lol ma ngi ñu ñaarel condition moy dañ ci wara tuddu turu yalla borom xam xam nak rahmatullah wuté nañ ci bu fekkenté né tudduma ci turu yalla mais dama ko faté su fekkenté né mako tay mom du dagal mais suma ko faté mom lañ wuté ndax damay wax bismillah lek comme djulit moko rendi wala dit ñettel bi moy lima koy rendé dafa wara nek lo xamné lu ñaw la dafa wara nek lu ñaw la ce qui veut dire que buma utiliser won lo xamné ñawul lo xamné dama koy jam rek ba kéro muy dé du bax wala makoy door ay comme marteau ma diko door marteau wala ma jël cour diko ko door bamou dé do da comme niñ wax sank rek moy al mawquzatu gogo niki nonu su fekke dafa wara nek tamit lo xamantene da fay wara dag put gi ak ñaari sidit yi nga xamantene ñom ño nek ci wet gi yi ñoy condition yi nga xamantene kon ce qui veut dire que ni yeneen yi ci def yepp legi nak mu def ay exception yu ñu ma may exception yi ñu ma may moy su fekkentene dama damay reub bu may reub té lolu animo yi ñuy reub lañ koy def moy animo yi nga xamne dañu njaay allu yoy lañ koy def ah bu may reub kon bu ma yone xat bi damay tuddu tur yalla damay wax bismillah wa zkurusmallahi alayhi comme niko alquran waxe mu dem ba pare il faut que animal bi manam xat bi may entraîner il faut ma jangal ko ba mu man ko mu nek xat bo xamne dafa man di def lolou be ci res moy fokk man may yoniko mu def tamit bu fekke dene damay reub manam diko sanni ay fête ak yoy non lolou mom fum ko jam baxna mais na nek lu jam mais lolou ci reub lañ ko permettre wax bismillah jam ko mu jeex kon yi moy condition yi nga xamantene ci gattal rek moy yi tax animal bu xamantene manam mom ci lay ñaka nekk med animal bo xamne nak du med koku buñu ko rendé manam bu fekkete na jaar na ci yoon bu sharia permettre jaar na manam fo xamantene sharia permettre nako ba tax animal bi malan ko manam mu dagan bu boba deram derbi du jara wulli mom tam day lap andak yap bi der bi ci bopam day lap andak yap bi c'est à dire que suñu rendé comme buma jëlé ben xat ñu jël ben cas de figure deug señ Kalidou ak señ Fallou céréal kilo yi nu baye xal deng comme suñu céréal kilo yi buñ démé do suñu fallo dem fele ci hein Jean Luc quoi wala ki ci dess Mohamed jordan ni xaw jordan waaw buñu démé rend ben xar ci yoonu sharia ñu indi ko buñ ko jëlé derbi ci bopam day lap yakh bi day lap lepp day lap yap bi day lap lepp day lap day dagal mëna jëfëndiko kon mom du ci am sobe du ci am bam dess li nga xamne mom sobe la naturellement mais lolu sobe du ci am manam moy dara ji motax ñu wax ah légui su fekkante ne kon koku der bobu kenn duma poser question ndax dagan na utiliser daganul utiliser lolu kenn duma ko poser maintenant su fekkante ni med la nak question bi ci lay ñëwé mom la hadith bi di wax naan di baaxu buñu wulé juludul maytati der yi nga xamantene deri lan lañ med lañ boba nak lay soxla utiliser ko c'est-à-dire que bobu la sama borom subhanahu wa ta'ala feñal benen xéetu teranga bu mu defal doomu adam ginnaw bi mu ko defale teral ngay mu meun ko utiliser meun ko rendi attention parce que tamit dafa am fofu benn mbir bu am solo man may jël ab njaay all bu meuna don wala bok ab rab bu meuna don ma jël ko attan ko rendi ma jël sama xar wala nak bay yeb ma rendi len lolou luma yalla may la droit ci sen kaw ñom Allahu akbar ha muy teranga gu reuy lolu ben xéetu teranga la bo xamantene waro ko négliger mu def nak légui suma ko su démé bam ba déwal bopam té rendiwumako boba tamit sama borom du néma ah donc c'est fini pour yow c'est bon là hein delit permettre sama lenen moy mën na jëfëndiko derbi masalan mais sous condition ma lan ko mo wul ko motax mune tuhuruha wala tahuruha tuhuruha moy labal mokoy labal budé tahuruha mom moy tax mu nek luñuy mëna jëfëndiko pour labal moy lan ah digënté tahur ak tuhur li leen wutélé li la leg leg mën na nek bi manan mo comme hadith bi buñ xolé ci hadith bi dañu gis na tahur fi ak tuhur ben la même manana bi la yam mais sino tahur ak tuhur daan nañ am différence tuhur moy lo xamantene manam moy lab gi ci jëmi bopam tahur moy limay defandiko pour lab gi exister comme wudu moy njapp gi ci jëmi bopam moy al wudu al wadu moy ndox mi may defandiko pour japp ha as-suhur moy xud suhur as-sahur moy limay defandiko pour xud ko yofi mbayene moy as-sahur la tite ha wala kon lolu ci gatal dal mom moy batu hadith yi mom la wax nak sahaha ibn hibban ginnaw gi nga xamantene solo nako ak ñeneen ni ñoom ñep ibn hibban rahimahullah ta'ala al-bustawi ranna hadith bi kon ñu yam ci ki bi di ñew ñu gis benen hadith bi nga xamne mo ci teggu après jotay yi ci teggu rek ñu gis li nga xamne mom moy li nga xamne moy mas'ala yu nekk ci hadith yi wallahu ta'ala a'lam Non, nit ki mom limi lek comme day am conséquence ci dinam légui animal bi mom ci bopam limi lek ndax day am conséquence mom tamit ci mom et à travers lolu day am est-ce que day am conséquence kon ci nit ki aussi xam nga animal du mukallaf mom ken tok ko jof di amul dagan ak kharam ci mom amul lolu existé wul lo tax du responsable tay bo yoré sa xar bi dem rour tolu jambour xar mi dem rour tolu jambour xar mi du fay dara du responsable ci dara yow yaay responsable kon yow yaay fay niki nonu tay nit ki su jëlé ben nit xam nga lolu manam xam nga pourtant xar mi mom lañu wax parce que dafa am luñu wax al mubashir ak al musabbib dafa am luñuy wax ki nga xamanteni moy acteur direct moy al mubashir ki ñu tuddé mu am ku ñu tuddé al musabbib moy ki nga xamne mom mo sababal mbir mi tay su fekkante ne dama commandité ben meurtre damay responsable mais ki ray moy premier responsable lola tax man en tant que ki commandité sama acte motax mu équivoque manam mu am problème ambiguïté mais ki exécuter mom problème amul ben ambiguïté ci ay birum niki nonu tay su fekkante ne dama jël ben nit par exemple tay dama gas ten ben way ñeu jël ben nit sanni ko ci bir ten bi mu dé man duma responsable su dé ten bi fi mako gas ci sama bir keur la wala sama tol la pourtant may sabab bi mais ke mom moy acteur direct bi niki non tay suma jele ben nit gaynde ma ñew timul ko gaynde ma sanni ko ci kawu gaynde gi rere ko man bu baba pourtant man rayumako mais man may may lan man may responsable bi lutax ñu def ma responsable parce que sumako jëlone tek ko ci loxol nit koku jël ko ray ko bokul ak bu moko jox tegon ci kanam ngay nek parce que man ma man parce que gayne gi kedd ko munte laaj ay compte ndax du mukallaf lool mo motax ki commandité manam ki nga xamne moy musabbib moy ki sababal mbir mi du tout temps lay am atté ki acteur direct bi mais leg leg mu yor atté acteur direct bi legui fof fima ci doon jëm ci sa laaj bi moy xarmi du mukallaf kon mom bu lekke lo xamantene xeyna yofi jambour la wala yoy lolou mën na ma baña atteindre man directement donté nitu yalla yi amna ci ñom ño xamantene radhiyallahu anhu dañuy moy tindiku ñun ak lolou dañuy moy lu gir xam gëdd gog comme comme li nga xamantene mom la seigne babacar si radhiyallahu anhu bi li seigne abdou don netal ci mom ne dafa am ben xarm bo xamne xarum yar la ci keur gi la nekkon histoire peut-être ñu bari degg nañ ko moy xarum yar bobu nga xamantene mom la yoron ci keur gi ben jour ben way ñew subhanallah manam xarmi ci bopam mo dem ci benen keur gi nekk ci wet gi lek fa am ciox xam ngeen ciox mu lek fa ciox ciohu mer bi ci dekk ci geren keur mer bi ñew ci biir keur gi di kaas daan xarmi day lek na sama ciox fek seen babakar si radhiyallahu ndeysan mi ngi won ci biir deg ko daan ni waw daal di wo soxna asukan ni ko waw limay deg lu mu doon mu ne ak lool de du dara ki mu aha kay dara la kay manam mu ne légi mère bi mune seigne abdou nena ma gis mu génné ndeysan ben témèr bu sew jamono jojj xam nga 500 jamono jojj témèr xaliss bu bari la mu jël ko ndeysan jox ko né nang ko jox mère bi bolé ko dugub bi nga jël ci saaku dugub xam nga nga joxalé ko mère bi né ko nama bal ak ginnaw gi nak limu def moy dañi xarmi mom nañ ko rendre tay tay nagn ko guen ci keur gi saraxé ko nagn ko saraxé tane ñu ne ko mé yow ki bi waaw vraiment jox mi ki jox rek lal gi yow nga jox ko saaku dugub bo la ko timir mais normalement ak bi dañ na ba paré néna bal na balu nal mu ne dit comme dafa lek ak xajutuma mom ci keur gi na legui mu am benen côté buñu wara xol moy bu fekkete ne limu lek sobe la bu boba dañuy xol rek su fekkete ne limu dafa am mom luñu tuddé al jalala ko xamantene dafa lek sobe ba mujj comme xar mo xamne da fay lek ay sobe en souvent wolof dañ ko xarmi dafa dof manam da fay lek sobe di lek wala beuy wala ba mujju am xet bo xamantene dañu xamni sobe gi mi lek moko ko jox boba dootu dagana ti lek han benen lañu nga tontu legi wala xar bi waju dox ndax mu jore legi dedet boba dootu dagana lek legi nak su deme ba nga xamantene nak legi dañ ko tey tak ko fenn yew ko fa diko jox muy lek lenen manam ci ñax ngogn mek yoyu non ba nga xamantene legui pendant 3 jours dérèt di recycler wu wat la affaire bi deñ nga yoyu bu boba dana dagana jëfëndiko wallahu ta'ala a'lam moy farine animal yi ñi kéw ba fa ray farine am pour waaw ñi jox ki li xar yi waaw en fait jallala bala muy am atep jallala il faut que mu dem ba nga xamantene bu koy lek day dem ba mom ci bopam day commencer am xet boba lañ koy lay nek jallala Allah ta'ala rahman rahim bu fekkante na amatul benen est ce que de toute façon ñun dinañ ko mëna lek dañ nan la chrétien ak juif ma dama ñi ngi nek ay chrétien nek ay juif dañ leen mëna lek ndax alquran moko daga nak wa ta'amu ahlul kitab halun lakum wa ta'amukum halun lahum jërëjëf li nga xamne mom moy ñamu wa ahlul kitab dagan na ci yeen ñom seen ñom tamit dagan nañ ci ñom yeen seen ñom tam dagan na ci ñom seulement il faut que ñu bayyi xel yeneen condition yi parce que waxna la sank ne la al ahliyatu ben condition la manam moy nga am agrément bi manam nga nek une personne agréée pour meun ko def lolou ben condition la hein maintenant mu am yenen condition ci bir condition yoy tuddu yalla ci la bok liñu wa affaire bi dafa wara ñaw dafa wara dag fi mo wara dag et cetera yoy condition tamit dañ koy bayyi wala xel ce qui fait que bu fekete ne chrétien bi wala juif mom du rendé nonou wala yow doko meuna lek parce que la question wala non manam ñu may la natalel mbir mepp ci liñu la may baxna wala baxul si comme si tay rek buñ la joxone sangara wala ñu jox la yap mbankhu doone comme ñom la jugge may lañ mako dana ko lek manam nonou la tamit parce que ni meddi bi ni yap magu bi harame ni le meddi bi harame te sax wala te sax boudé ordre biñ koy tégué ci alcorane tout temps yap mbam bi moy nek ci 3e position mais liñ la yakal ça dépend buñ la yakalé lo xamné lu bax la nga lek comme nga lakh bék yoy nga lakh kay ganari ak yow do ko lek su fekkentene ñom ci lan lañ ko toggé légui il faut ñu xol ganar gi amma su dé ganar gi moy xam nga tay bu fekkentene parce que ñaar parce que possibilité yi am li la moy su dé sénégalais la par exemple mu dëkk sénégal ganar goow am nga 100% manam wala bok 90-95% de chance que mu juggé rek que ci ganaru yi nga xamné mom lañu voilà wala bu dé yap xar la wala yoy boba lolou dang koy lek parce que rendi nañ ko ci yoon bi nga xamne mom la sharia bëgg niki nonu bu fekkante na sa dekkelo bi nga xamne mom ab chrétien la wala juif la hein fini nga xamantene mom ci bopom xam na ni yow do lek yak be te mom mi ngi samonté ak lolou nonu mom te wala xam nga ni mom de toute façon ci boucherie halal bi lay jëndé et cetera mën nga ko jël bokul ak ki nga xamantene nak mom manam mom yap bi ci bopam mom yoy yep du ci samonté mom lolou mom doko mën lek ah la kulli hal légui légui mu def ci bir question biñ posé sank ci walu rend gi benen affaire moy ki koy rend buñ né parce que lolou motax xam nga da ngay gis subhanahu rabbi da ngay gis ño xamantene dañu japp né européen yi ay chrétien lañ alors que européen nekoutu ñu ay chrétien en tout cas surtout français bo leen xolé ci seen majorité duñ ay chrétien ay até lañ mi ngi nonu ñiñu la may sax nga tek leen ci ñom bu nekké até doko tak abadan du dogan donc lolu il faut mu nekk lo xamni tane lu wara leer parce que ñu bari dañ koy wax amna ñu bari leg yagul dara sax amna ben ñuma ci doon waxtanal mais problème bobu ñom seen bobu affaire bi da ngay gis ne dafa defé leer ci seen bop ndax ñom dañuy gis ne ki ap ki la dañuy wax ne seen ñom dañuy wax ne manam dañuy gis ne ñom ci seen bop boudé ñom dañ japp né comme que amna oustaz wala ab sëriñ bu len wax né len ah fi ngeen né dé ay ñom luñu rénd rek lek len yeen dal l'essentiel moy na ngeen wax bismillah nañ xol julit bi mom bu rendé té waxul bismillah té mu tay ko dana dagana lek wala dagana lek du dagal légui lan légui nga japp né yéfer bi mom mi nga xamné ab yéfer la mom bu ko waxul té tay ko mom dana dagana lek mom te yow julit bo han du dagan ci yow lol wa yanul mana wala même bu ko waxe ci tay ko du dagan non budé chrétien la wala juif la dina dagan non até bi mom du dagan ala kulli hal até bi mom bokul ci mbirum ay mbirum mom kenn traité han wala wallahu a'lam Wa bismillah. Bu fekkentene xam nga dañ ko wara rob defar ko manam normalement su fekkentene legui dafa nek ci gal genn aduna te buñu ko xare ba yegg ci jeri ji day wala day yaqku te day nek lor ci ñi nga xamne ñom la nek ndol ci gal gi ana nuñ koy def tontu bi moy dañ koy sang djulle ko dugol ko ci bir geej nit ki ndax qaida bi ad-dararu yuzal lor dañ koy teggi manam nit ki aussi ak irtikabu akhafu dararayni dañuy moy qaida bob manam li geuna moy le moindre mal tout temps mom lañuy def parce que mom mudé mom ñu sul ko sanniko fofu ci bir geejgi day geejgi moy nek lanam ba melam mo upp doole parce que d'une façon buñ ko sulé ci souf ci tamit day détérioré wu rek day détérioré wu sax yi ñokoy réré après pour la plupart du temps fi tamit nonu la rek liñ koy ragalal buñ ko sulé biñ ko sané ci geejgi mom lañ koy ragalal buñ ko sulé ci souf ci légi nak nga bayiko fi nak légui après min ñi ci dess ñom dé ñom tamit alors que kenn rek mënon dé warona dé moy le moins normal Allah ta'ala alama sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين